gentea con tea. Buona legge se non ancor can, se desviem de man de buonora, ora lugare comincerà a cantar. Bienvenue à vous, Sylvain Guide est sur la Côte d'Azur à Nice, deuxième ville de la région PACA, derrière Marseille. Petite précision, les enregistrements à Nice ont été réalisés avant le massacre du 14 juillet 2016, d'où le ton léger des conversations, mais l'attentat ne doit pas vous couper l'envie de découvrir cette ville exceptionnelle. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de la frontière italienne. Nice est la cinquième commune de France, avec près de 350 000 habitants. Idem pour l'agglomération cinquième. Nice, c'est aussi le troisième aéroport français et le premier en région. Capitale historique du comté de Nice, la ville a rejoint la Savoie à la fin du XIVe siècle et n'est devenue définitivement française qu'en 1860. Quand nous pensons à Nice, nous pensons bien sûr à la baie des Anges, qui s'étend de Nice jusqu'au cap d'Antibes et à la promenade des Anglais. Théâtre de la tragédie du 14 juillet 2016. Dans ce premier suivi le guide niçois, nous découvrirons ensemble le musée Chagall, avenue du docteur Ménard, entièrement consacré à l'œuvre du peintre, créé du vivant de l'artiste avec le soutien d'André Malraux et inauguré en 1973. Nous serons en compagnie d'Anne Dopfer, à la tête des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes. Mais avant, faisons connaissance avec notre guide niçoise. Bonjour, je suis Isabelle Villet-Quéré, nous sommes à Nice et je représente l'Office du tourisme et des congrès pour une petite visite de la ville. Voilà, on va découvrir Nice avec vous Isabelle, sous un ciel bleu, mais c'est quand même, c'est quand même presque tous les jours ici, tout au long de l'année à Nice, non? En fait, c'est l'une des villes avec l'un des plus forts ensoleillements. Par contre, pour la petite anecdote et pour vous rassurer, nous avons la même hydrométrie qu'à Cherbourg. La seule différence, c'est que nous, ça tombe en quelques heures. Ah, et ça tombe la nuit, c'est ça? Souvent la nuit, puisque nous sommes côtiers et que les pluies sont souvent nocturne. Alors nous allons découvrir Nice avec vous Isabelle, commençons notre balade d'ailleurs sur une promenade qui marque une séparation, une limite entre les deux parties de Nice. Oui, ça marque une séparation entre la partie historique, le vieux Nice, les fondements de la ville, et puis la Nice Belle Époque, la Belle Époque étant arrivée au milieu du 18e à Nice avec la venue de ce qu'on appelle les hivernants, c'est-à-dire les familles princières, l'impératrice de Russie, etc., qui venaient prendre une température plus favorable en hiver, puisque bien évidemment le tourisme de soleil n'existait pas, on le fuyait comme la peste. Donc et cette promenade va de où à où? Alors elle va du musée d'art moderne qui est vraiment au centre-ville jusqu'à la mer, et elle recouvre le fleuve côtier qui s'appelle le Paillon. Le Paillon, c'est un fleuve, c'est pas une rivière, c'est un fleuve, il se jette dans la mer. Il y en a deux à Nice, il y a le Var, qui n'est pas dans son département d'origine, puisque quand il y a eu le rattachement de Nice, du comté de Nice à la France, on a coupé un petit bout du Var pour en faire un département, le département des Alpes-Maritimes, et du coup, le Var a perdu son Var. Ah. Et le Paillon, alors c'est un fleuve d'une trentaine de kilomètres de long. Voilà, c'est cela, et qui parfois se dédouble au fur et à mesure des méandres des collines de l'arrière-pays, qui est vraiment un fleuve qui peut être extrêmement volumineux à la fonte des neiges, notamment. Voilà, donc un fleuve court, le Paillon. Et pour le voir couler, donc après il va se jeter dans la mer, et pour le voir couler, il faut remonter. Il faut remonter un tout petit peu, derrière le palais des expositions, un Paillon retrouve l'air, et il est visible partout. Alors souvent on nous dit, mais c'est un ruisseau, et pourquoi vous gardez un lit aussi large? Mais il faut savoir qu'il peut se remplir à une vitesse de torrent, donc c'est vraiment exceptionnel de le voir déborder de son lit, mais ça arrive, et ça arrive encore. Es ver non hai ren a capit sur la terra de iome. Traite l'outin, mila e s'encueil, ma quel gust aspre sous ta la lenga. Eri arribat en aquel jeuc, cum un espaventai desgaubiat. Dévissant un moulon de quilles, esquissant une rupe des bois ni costumes. quelques généralités peut-être sur Nice. Nice, c'est la cinquième ville de France. C'est la cinquième ville de France. Elle fait partie maintenant, depuis 150 ans, de la région PACA, qui a été créée à ce moment-là, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui contient la deuxième et la cinquième ville de France. Voilà pourquoi peut-être vos auditeurs ne l'auraient pas classée dans le top 5 des villes françaises, mais parce que quand il y a une consultation nationale, eh bien, on envoie un reporter par région, et donc forcément, on connaît mieux Strasbourg, Rennes, Bordeaux que Nice, parce que le représentant va à Marseille. Alors Nice, cinquième ville de France, mais côté aéroport ? Numéro 2. C'est un aéroport qui fait presque 12 millions de passagers par an, qui est l'un des premiers aussi du low cost. Il faut savoir que par exemple EasyJet a choisi comme première ville pour s'installer Nice. D'abord parce que sa géographie le permet et que le train la dessert moyennement. Et ensuite parce que l'Europe entière a des connexions avec la ville de Nice. Et en même temps, on trouve aussi des connexions avec les États-Unis et Dubaï qui sont au quotidien. Voilà, Emirates, hein, un vol effectivement depuis Nice. Et alors, nous allons évoquer les Chinois qui viennent nombreux à Nice. On peut décoller de Nice pour la Chine ? Non, on fait un arrêt par Dubaï. Ah, toujours avec Emirates, un arrêt par voilà. Dubaï. On sait que nous travaillons avec les Chinois qui aimeraient installer un vol direct sur la Côte d'Azur. Au niveau des touristes, d'ailleurs, si on regarde les nationalités des touristes ici à Nice, les plus présents viennent d'où ? Alors, la première nationalité reste quand même la France, oui. Même si elle n'est pas, elle est majoritaire par rapport au nombre de touristes. Elle est suivie par l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni et les États-Unis. Les États-Unis, c'est conjoncturel, mais ça dépend de la hauteur du dollar, mais ils sont toujours dans le top 5 quand même. Et puis, il y a l'Italie et au coude à coude, la Scandinavie ou l'Allemagne. Et suivent bien évidemment des provenances qui sont comme la Chine, la Russie, toute la brique en fait, mais qui sont beaucoup plus marginales à l'heure actuelle, mais qui ont des progressions exponentielles. Hein. Ce sont des progressions à deux chiffres. Ce qu'il faut savoir sur le Vieux-Nice, c'est que le Vieux-Nice, bien évidemment, comme toute ville, était médiévale. C'est une ville ici qui a été un campement même de la préhistoire, donc c'est extrêmement vieux. Mais quand la succession de Provence tournait un petit peu mal, la reine Jeanne mourante, elle a vu ses neveux se déchirer, Nice s'est tournée vers la Savoie en disant « Écoutez, nous, on aimerait être avec vous parce qu'on en a marre. » Et donc, eux, bizarrement, ont dit « Mais bien sûr, le comté Nice nous intéresse, c'est une sortie vers la mer. » Donc, le duc de Savoie a décidé d'en faire un port franc. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont envoyé des juristes, des armateurs, l'administration, qui sont arrivés dans une petite ville médiévale pas terrible, et ils ont tout rasé pour faire du neuf. Ce qui fait que le neuf de l'époque étant le baroque, on a un patrimoine baroque unique dans la vieille ville à Nice. J'ai connu un Alain à Nice, une fille aux yeux provocants. Son regard est plein de malice et sa bouche est un fruit charmant. Évidemment, elle a la sang, c'est une niçoise pur sang. Elle est bien du midi, c'est ce qui me ravit, ma niçoise, ma nini. Elle a de noirs cheveux, un corps délicieux, ma niçoise, ma nini. Elle est... Je disais que l'architecture, en fait, a été calqué alors peut-être sur celle de Turin ? Tout à fait. L'administration, la Savoie, le duché de Savoie allait bien évidemment jusqu'à Turin. Ça a été calqué sur ce qui se faisait à l'époque à Turin. Il y a des liens beaucoup proches entre Nice et Turin ? Il y a un jumelage oui, oui. On a une chambre de commerce italienne ici avec qui il y a des liens très forts. On est en train de travailler sur la ligne ferroviaire vers Turin. Nous avons aussi Tello qui a fait une ligne directe Marseille-Nice-Milan. Le lien est extrêmement fort, d'autant plus qu'une bonne partie de la population a des racines italiennes, puisque quand la ville s'est développée, notamment avec l'avenue des Hivernants, il y a eu énormément de bâtis à faire et énormément de métiers de service à occuper. Et qu'il y a eu dans les Pouilles, en Calabre, énormément de famines à cette époque-là. Et il y a des populations entières qui sont venues, donc il y a énormément de noms aussi italiens ici. Alors bon, Nice, tourisme balnéaire, oui, oui. Mais tourisme culturel aussi. ici. Alors, on n'a peut-être pas idée de la richesse du patrimoine culturel de Nice. Hein. On ne vient pas à Nice que pour passer ses journées à la plage. Enfin, ce serait bien dommage. Hein. En fait, Nice est une station balnéaire, certes, mais c'est surtout une grande ville qui a une station balnéaire en son sein. Nous sommes la deuxième destination en musée labellisée musée de France. Donc, nous avons des musées municipaux et nationaux, notamment le musée Chagall, Marc Chagall, qui est un musée qui est le seul au monde, hein, consacré uniquement à l'œuvre de Chagall, et qui a eu la particularité d'être voulu par Malraux, et qui a été construit du vivant du maître, et qui a participé aux inaugurations pendant des années. Donc c'est assez rare aussi qu'un homme ait eu un musée de son vivant. Donc il est assez touchant, et il renferme le message biblique que Chagall avait donné à l'État. Pour la petite histoire, en fait, il est à Nice parce que Paris n'en a pas voulu. Bon, tant mieux pour Nice. Hein. À l'époque, oui, à l'époque, en fait, il y avait deux grands pôles culturels dans le monde. C'était New York et Nice, avec l'école de Nice. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que Beaubourg, quand il a fait son exposition inaugurale, l'exposition s'appelait « À propos de Nice ». Avec des œuvres de Klein, d'Armand, de César, de toute l'école de Nice. Donc voilà. Donc ça a été un moment où Malraux était souvent là. Et quand on voulait pas de quelque chose à Paris, il avait tendance à le proposer ici. Donc nous avons aussi eu la Villa Arson, qui est une école et centre d'art extrêmement beau sur le nord de la ville. C'est vraiment très très impressionnant de voir ces bâtiments et lieux d'art qui ont été voulus par Malraux, qui était quand même l'homme de la culture. Matisse aussi. Alors le musée Matisse est mort à Nice. Matisse a vécu longtemps à Nice. Hein, quand il a découvert que ce ciel, il le verrait tous les jours, et bien il a décidé de rester ici, d'y vivre. Et en fait, il était question dans les années 50, il est mort en 54, hein, de créer un musée d'art moderne. Et il était extrêmement intéressé par le projet. Donc il a dit, moi, si on fait ce musée d'art moderne, je donnerai des œuvres. Le musée s'est pas fait vraiment tout de suite, et donc lui, il a par contre tenu sa promesse. Il a légué à la ville beaucoup d'œuvres, et sa femme en a légué ou donné un certain nombre aussi après. Et là, fort de toutes ces œuvres, la ville s'est dit au bout d'un moment, on peut pas laisser ces œuvres en friche. Donc il y avait un bâtiment qui était lorgné par des promoteurs, et ils ont mis une préemption dessus, et ils ont fait le musée Matisse, qui est dans les arènes de Cimiez, qui est vraiment une œuvre magnifique. Oui. Mmh. Alors, est-ce que le ciel, on parlait de Klein tout à l'heure, est-ce que le ciel bleu de Nice est-il un bleu de Allez, Klein? Allez, l'OM. Oui, dans mes oreilles, c'était fort. Hein. Allez, l'OM à Nice, il n'y a pas d'équipe à Nice? Si, si, il y a le GC Nice, mais lui, c'est un dissident, ou c'est un jeune qui est venu passer ses vacances ici. Oui, alors est-ce que le ciel bleu de Nice, c'est la couleur du bleu de Klein? Alors, pas réellement, mais en tout cas, le bleu du ciel est le plus beau en hiver. Alors, on parle du ciel, il faudrait aussi parler de toutes les couleurs des façades, hein, de toutes ces maisons superbes. Alors, les façades sont ocre, de l'ocre jaune à l'ocre rouge, en passant par les rosés et les orangés. C'est toute la palette de l'ocre qui recouvre de ces pigments. Alors, les pigments, ici, fanent très vite, mais laissent des différents tons de du jaune au rouge, qui font ce côté ensoleillé, et aussi qui sont pas trop brutaux pour le regard au soleil, hein, les bâtiments blancs. C'est quand même plus difficile au soleil. Et nous sommes, Isabelle, dans la baie des Anges? Alors, nous sommes dans la baie des Anges. Elle est quelques mètres derrière nous. La baie des Anges, pourquoi? Parce qu'il y a deux légendes. La première, c'est que Saint-Réparate est arrivé dans une barque. On pourra en parler peut-être quand on sera... Oui. Donc, voilà. Donc, celle-là, on la garde? On la garde par vers nous. Et l'autre légende? C'est un petit requin qui était dans la baie des Anges, et donc on voyait l'aileron et on disait que c'était comme l'aile d'un ange. Donc on pense que c'est plutôt celle-là qui est la vraie histoire de la baie des Anges, mais c'est pas grave, les deux sont charmantes. Si t'avais goûté à Nice, mais les anges en plein été, avec tous ces anges à tes côtés, tu ne pourrais plus rêver. Suivez le Guide est à Nice avec Isabelle Biéquéré qui représente l'Office du Tourisme. On se balade et nous découvrons le paysage niçois. Nice, Nice, Nice, Nice, ville de mes amours. Et puis autour de nous, des collines. Hein. Alors, enfin, oui, pas, oui. Pas tout autour, puisque bien sûr, il y a la mer. Oui, il y a un front de mer. Et en fait, nous, ici, nous sommes dans les Alpes-Maritimes. Les gens pensent plage en pensant à Nice, mais en fait, Nice, c'est une ville de collines et de montagnes. Les Alpes-Maritimes, c'est vraiment Alpes. Oui, c'est ça. Donc, d'abord collines et puis vite donc, montagne. Il y a une toute petite bande littorale et très vite, on grimpe partout. Donc, il n'y a que des collines. Sur lesquels d'ailleurs il y a ou des forts ou l'observatoire hein, construit par Eiffel et par Garnier. Donc et énormément de possibilités de randonnée. Sur notre gauche, nous avons le prestigieux lycée Masséna qui lui a été le premier lycée de Nice et qui a sur une partie de son terrain qui avait des serres. Et pour la petite histoire, Joséphine de Beauharnais a fait venir beaucoup beaucoup de plantes pour les acclimater ici. On parle de ces serres et de ces implantations végétales à la Malmaison, mais un certain nombre des plantes qu'elle choisissait, elle les a fait venir à Nice et il y a une énorme correspondance avec le préfet de l'époque, le premier préfet ici qui était du Bouchage, sur justement ces plantes qu'elle envoyait et les acclimatations et comment ça fonctionnait. Et il est vrai que tout s'est bien acclimaté ici. Parce qu'on dit souvent que la botanique est arrivée par les Anglais. Alors c'est vrai qu'elle s'est popularisée par les Anglais, mais ici elle est arrivée par Joséphine. On se dit qu'il doit y avoir une qualité de vie quand même ici à Nice, non ? Pour les Niçoises et les Niçois qui oui. vivent ici toute l'année. Ben oui, je me dois de le reconnaître. D'abord parce que le climat effectivement est extrêmement agréable. Sur les cartes météo, vous le voyez chaque matin, on a souvent la température la plus haute du matin, mais pas dans l'après-midi. C'est-à-dire qu'on est moins dans une zone étouffante parce que nous avons l'air de la mer qui rafraîchit quand même un peu. On a une terre qui accueille tous les végétaux, donc il y a une diversité botanique proche de l'extraordinaire. C'est vraiment une terre d'accueil des êtres et des plantes. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités aussi pour les gens qui aiment l'art, entre les musées, le théâtre, l'opéra, tous les cafés-théâtres, toutes les possibilités artistiques. Avec Madou la niçoise. Exactement, mais pas que. Il y a énormément de possibilités. Et en même temps, si vous aimez le sport, de la randonnée à l'équitation, en passant par les sports nautiques, le ski, puisque le Niçois est tourné vers la terre et que tous les petits Niçois vont faire du ski. Donc c'est une possibilité qui fait qu'on peut faire du ski le matin et se baigner l'après-midi. Les stations de ski sont à 1h15 en gros de la ville, donc rien. Et ça permet vraiment de profiter et de la nature. Le Niçois vit dehors parce que d'abord l'habitat est souvent petit et que les conditions atmosphériques le permettent. Pour le Niçois, la ville est une pièce en plus à l'habitat. Ah, donc ça. On fait les anniversaires dans les jardins publics, on fait les pique-niques sur la plage le soir. En cette saison, hein, pas dans la journée. La journée, on la laisse à nos visiteurs, bien volontiers. Et puis, voilà, donc on profite de la ville sous toutes ses coutures, tout le temps. Et les Niçois n'ont pas des factures de chauffage trop élevées Non, je l'avoue que parfois même, on ne le met quasiment pas. Donc, voilà. De toute l'année. Ça dépend, oui, après, ça dépend comment on est exposé, mais c'est vrai que il y a des quartiers qui sont moins bien exposés que d'autres, mais en général, de toute façon, il s'arrête assez tôt, il reprend assez tard. T'emporterai fino al suo bras, fino a fuori un bullada, alla baruna li rimasemba, o pais dell'amour. Il y a beaucoup de personnes qui viennent. Alors, par exemple, Cannes, on a l'image de seniors à Cannes qui viennent passer leur retraite, enfin, etc. Oui. Est-ce que c'est le cas pour Nice ? Parce que quand on se balade là, on a plutôt l'impression d'une ville jeune. Enfin, on a vu quand même quelques dames avec des chiens, mais, oui. Mais sinon, on a l'impression que c'est une ville plutôt jeune. Et c'est, bon, c'est 50% de la population a moins de 40 ans. Ah, oui. C'est une grande ville, c'est une ville universitaire. Universitaire. Voilà. Après, bien évidemment, nous avons pas mal de seniors de l'Europe entière qui prisent le fait de venir s'installer là où de trouver une autre résidence et de venir y passer une partie, notamment l'hiver, parce que ils ont des vols extrêmement pratiques vis-à-vis de leur pays d'origine. Et donc c'est facile aujourd'hui hein, de se déplacer. Mais on connaît un certain nombre de personnes qui choisissent de venir passer leur retraite ici. Ouais, pas mal, hein. Oui, il y a pire. Vous nous parliez de culture, Isabelle, alors à travers les musées, bien sûr, mais de culture à travers les spectacles, les cafés-théâtres et les théâtres. Et le Théâtre de Nice est devant nous. Voilà. Contrairement à d'autres théâtres, on ne l'identifie pas. Enfin, de l'endroit où nous sommes, on ne l'identifie pas forcément tout de suite comme un théâtre. Hein. Non, parce que l'entrée est de l'autre côté, sur une esplanade et qui accueille des œuvres de Calder et de Niki de Saint-Phalle. Donc, c'est un très joli passage. Et le Théâtre de Nice, c'est le Théâtre National de Nice qui a longtemps été dirigé par Jacques Weber que vous évoquiez, ouais. et qui est aujourd'hui dirigé par Irina Brooks. La fille de Peter. Exact. C'est un théâtre qui a toujours eu une part et de création et de reprise de spectacles existants. C'est un théâtre extrêmement vivant. Hein. C'est une grande salle ? Il y a deux salles. Il y a la salle Pierre Brasseur, qui a été inaugurée en présence de son fils juste avant la pièce Le Souper, ce qui était un moment extrêmement émouvant. D'autant plus qu'il jouait avec Claude Rich. Oui, avec Claude Rich, Le Souper. Qui avait joué avec son père. Donc c'était un moment extrêmement touchant. Et l'autre salle est Michel Simon. Et puis il y a un opéra aussi à Nice ? Il y a un opéra qui est extrêmement ancien. Lui, il fonctionne depuis l'époque des hivernants, hein, depuis le 19e. Et il a aussi bien du ballet, de l'opéra que de la musique. Et c'est un opéra aussi qui travaille sur des créations. Il faut savoir que c'est assez unique en Europe, mais l'opéra de Nice a ce qu'on appelle la diacosmie, qui est un lieu à l'extérieur de Nice où tous les services de l'opéra sont réunis pour les décors, pour les costumes, pour tout ce qui concerne la préparation d'un spectacle, les salles de répétition, les salles de ballet. Et il y a dans cette structure une reproduction fidèle de la scène de l'opéra de Nice et de la scène d'Acropolis qui permettent des représentations jusqu'au dernier moment pour les essais en conditions réelles. Donc c'est un lieu assez incroyable qu'on peut voir pour les journées du patrimoine et qui sont... C'est vraiment très chouette. Et parmi les directeurs récents de l'Opéra de Nice, un Belge. Oui, Paul-Émile Fourny. Qui est l'actuel directeur de l'Opéra de Metz. Voilà. Qui est à Metz aujourd'hui. Et bien qui a commencé la direction chez nous. Voilà. Estu far cum agagibas ad per fin che parum sulletes esgate taci che venge lugiur deman. Juste une petite question, Isabelle. Est-ce que est-ce qu'on peut rencontrer Denis Fabre quand on se balade à Nice ? Oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui est extrêmement impliqué dans la ville et qui travaille pour le rayonnement de la ville. Et c'est quelqu'un aussi d'extrêmement gentil et simple. Donc, si vous la rencontrez, elle aura toujours son sourire que tout le monde connaît. C'est quelqu'un vraiment d'important dans la ville, oui. Et nous sommes alors une très belle grande place. Oui. La place Garibaldi. Hein. Tout à fait. Jaune. Jaune pour les façades, ocre jaune et vert pour les volets. Vert olive, oui. Mais olive pas comme le fruit, olive comme la feuille. Oula, attention. Alors là, vous avez vraiment ce qui est propre au sud et à Nice, pareil que Turin d'ailleurs, c'est le trompe-l'œil. Le trompe-l'œil parce qu'on n'avait pas toujours les moyens d'avoir la pierre. Pas parce qu'on manquait de richesse, quoique au point de départ c'était assez pauvre ici, mais on a travaillé beaucoup sur le trompe-l'œil pour décorer les façades. Donc telle que vous la voyez ici, elle a été restaurée comme du temps où elle était place royale. C'est la première grande place qui a été faite à Nice et sur la chapelle que vous voyez juste au centre de la place, qui est celle des pénitents bleus. La chapelle du Saint-Sépulcre, il a été rajouté un balcon où le duc de Savoie pouvait venir saluer les braves gens et avec une place assez turinoise effectivement dans l'esprit. Bien évidemment, au centre de cette place, on va le voir tout de suite, trône Garibaldi. Garibaldi, pourquoi ? Parce que c'est un enfant du pays. Il est né à quelques pas d'ici, au port. Et il a été baptisé dans l'église Saint-Martin-Saint-Augustin, qui est à deux pas aussi de cette place. Lui, il a bien évidemment suivi tous les mouvements révolutionnaires partout dans le monde, et notamment en Amérique latine. Mais il a travaillé avec Cavour et le roi Victor Emmanuel pour créer le royaume d'Italie. Donc lui, il était bien évidemment pour que Nice fasse partie de la construction du royaume d'Italie. Sauf que Victor Emmanuel n'avait pas la possibilité politique, militaire, de le réussir seul. Il lui fallait, pour chasser les Autrichiens, l'aide de Napoléon III. Napoléon III, qui était extrêmement gentil, mais qui n'a pas ennemi de ses intérêts, a dit « Avec plaisir, je vous aide à construire ce royaume, mais je vous demande la Savoie et le comté de Nice. » Donc, il y a 150 ans, la Savoie et Nice sont devenues françaises, donc des jeunes françaises aujourd'hui. C'est notre histoire à Nice n'est pas celle, mais c'est valable aussi dans l'Est. Oui. C'est une histoire qui a été assez, assez mouvementée, sauf qu'on fait partie des derniers accords quand même de la France. Et la date donc, précise, notre, donc la 1860. 1860. Hein. Puisque, et en 1861, l'Italie, le royaume d'Italie va être créé officiellement. Donc, on peut dire que Nice n'a jamais été italienne, contrairement à ce que tout le monde évoque. Ouais. Elle a été Piémont-Sardaigne, elle a été Savoie, elle a été de Sicile. Elle n'a jamais été italienne, puisque l'Italie politique n'existait pas. Voilà. Dans ce premier Suivez le guide à Nice, nous évoquons avec Isabelle Billet-Quéré de l'Office de Tourisme l'histoire niçoise. Nice, Nice, Nice, Nice, ville de mes amours. Moi, j'ignorais que Garibaldi était né près d'ici. Ah oui, il est né à deux pas. Et alors, sa statue est tournée vers l'Italie, puisque lui a travaillé pour la réunification. Donc lui, il a été le bras militaire de cette réunification, Cavour le bras politique. Donc voilà, et Victor Emmanuel a travaillé avec ces deux hommes. Voilà. Donc Garibaldi est tourné vers la route de Turin. Donc voilà, si on cherche de quel côté est l'Italie, il suffit de se mettre dans le sens de Garibaldi, et donc on s'oriente facilement grâce à voilà, ça. Voilà, exactement. Et derrière lui, c'est la chapelle du Saint-Sépulcre, qui est une petite merveille d'art baroque. Les trompe-l'œil, en fait, concernent tout le tour des fenêtres et les balcons qui sont peints en trompe-l'œil. Hein. Exactement, qui font les encorbellements et les balcons peints. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ici, les ordres pénitents sont extrêmement vivants. Nous avons quatre familles de pénitents qui sont sur Nice, les pénitents blancs, les pénitents noirs, les pénitents rouges et les pénitents bleus qui sont ici et qui travaillent sur des œuvres sociales, mais dans le giron parallèle à l'église. Ce sont des chrétiens qui font partie des pénitents. C'est extrêmement vivant encore aujourd'hui à Nice. Alors, la rue devant nous, Isabelle, porte le nom d'une femme. D'une héroïne. D'une héroïne chez nous, même si la véracité des dires n'est pas confirmée. C'est pas grave, c'est une jolie histoire. En fait, François Ier s'est allié aux Turcs contre Charles Quint, son ami et ennemi intime. Et l'enjeu était de prendre le port de Nice. Donc, c'était quand même un gros scandale à l'époque. Hein, s'allier en tant que roi chrétien à un infidèle, c'était déjà fort. Et donc, les Turcs ont fait le siège de la ville, un siège qui a duré. Et au final, la population s'en est mêlée, notamment, dit-on, par la révolte d'une bugadière, c'est-à-dire une lavandière. Une bugadière ici. Mmh. Et donc, qui est venue avec son battoir, qui a emmené toutes les femmes et les hommes à sa trousse pour chasser l'infidèle qui venait. Comme ça ne marchait pas trop, elle aurait montré ses fesses. Et ça les a fait partir. C'est une légende, mais c'est drôle. Et en même temps, ça montre la force de résistance de ce peuple qui a été toujours colonisé ou administré par d'autres dans une valse hésitation de tout temps. Rappelez-nous son nom, c'est Catherine Séguran. Séguran. Viva! Viva! Nice, io canterai toujours. La plupart des Niçois parlent le niçois. Parle le niçois. Vous le parlez ? Moi, je connais quelques mots, l'hymne, bien sûr, Nice à la belle, que tout le monde entonne en toutes circonstances. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que, effectivement, comme partout, les langues régionales ont reculé avec l'obligation du français. Et ça s'est réinstallé et ça se réinstalle. Et petite anecdote assez charmante, c'est qu'on voit l'augmentation énorme des jeunes dans les collèges et dans les lycées à prendre option niçois. Pour le brevet des collèges ou pour le baccalauréat. Et j'ai posé la question quand même au professeur de savoir d'où ça vient. Et en fait, ça viendrait pas mal du Stade et de l'OGC Nice, qui est une équipe extrêmement ancrée. C'est l'un des plus vieux clubs de foot de France, 1904. Et dans les tribunes, dans les brigades, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans l'identité forte de la ville. Et les enfants qui apprennent à chanter l'hymne niçois, qui apprennent les expressions, ont envie d'en savoir plus, de comprendre les anciens et demandent à apprendre le niçois. Et au point de départ, quand on m'a dit ça, j'étais un petit peu surprise que ça vienne par le biais du football. Mais comme quoi, c'est un vecteur aussi de tradition et de patrimoine, en tout cas ici. Est-ce que dans les collèges, la première langue étrangère choisie, du coup, est l'italien, puisque nous sommes à côté ? Alors, c'est l'anglais. Hein, c'est l'anglais. Mmh. Mais par contre, il y a énormément de sections européennes avec l'italien. L'italien est parlé. Il est aussi souvent dans des écoles. Par exemple, tout à côté, il y a l'école Papon d'un autre oratorien qui s'appelait Papon. Et il y a depuis presque 40 ans des accords avec la chambre de commerce italienne pour donner des cours d'italien à tous les enfants. Viva, viva. Alors là, on va juste faire une petite incursion, puis après on va redescendre vers le Vieux-Nice, parce que là, nous sommes dans un quartier qui a des racines extrêmement populaires. Il y a beaucoup de familles, d'ailleurs, qui sont là depuis plusieurs générations et qui ont grandi, ont été à l'école ici. C'est vraiment un quartier très historique, dans le sens populaire et non pas dans le sens patrimonial. Il a été rénové il y a quelques années et aujourd'hui, c'est le Petit Marais. Ah, niçois. Le Petit Marais. Alors, il y a quelques années, c'était un paradis de la voiture tous azimuts. Aujourd'hui, beaucoup de piétonisation. Il faut dire que la géographie de la ville a énormément changé avec le tramway. Il date de quand, le tramway ? 2007. Ah, donc c'est récent. 2007. Oui, c'est récent. Oui, oui, il est né fin 2007. Et pour la petite histoire, les travaux ont été tellement traumatisants pour la population que c'est souvent le cas, la municipalité avait peur d'un rejet franc et massif du tramway. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord dans les premiers jours de mise en marche, on n'arrivait pas à rentrer dedans tellement il y a eu d'affluence. Et qu'en fait, en quelques mois, ils ont fait les chiffres d'exploitation prévus pour une année parce que beaucoup de Niçois ont laissé la voiture pour prendre les transports en commun. Il faut dire que, comme dans pas mal d'endroits, il y a une politique tarifaire extrêmement attractive avec 1 euro le voyage. Et énormément d'abonnements possibles qui font descendre le coût encore en dessous pour justement que l'on laisse les voitures. Donc c'est une belle réussite et il marche bien. Voilà. Ce qui n'est pas le cas toujours dans toutes les villes. Ah oui, là ça marche extrêmement bien. Una nec pantaiada La nostra danza florissa un giardino dulce venta de man. Alors une petite halte historique. On lève les yeux. On lève les yeux et Napoléon Bonaparte a habité dans cette rue Bonaparte. Donc elle porte pas le nom de Bonaparte comme ça, mais parce qu'il y a vécu. Il y est venu en tant que Bonaparte. C'est vraiment là qu'il a habité, dans cette Villa Laurenti. Et plusieurs mois. Je peux le lire. Donc, général de brigade, commandant l'artillerie de l'armée d'Italie, habita cette maison du 27 mars au 22 décembre. Effectivement, hein, c'est une bonne partie de l'année 1794. Et il y est venu à plusieurs reprises. Et puis après, il est venu aussi dans le Vieux-Nice. Mais ce qu'on sait peu, c'est que, pour les petites anecdotes, c'est que Napoléon Bonaparte a failli être guillotiné. Et il a été arrêté ici à Nice. Tout ça parce qu'en fait, il était ami de Robespierre le Jeune, c'est-à-dire le frère Augustin, qui l'avait déjà sauvé d'une mauvaise affaire parce qu'en fait, il avait été, vous savez, les commissaires du peuple à l'époque, on vérifiait pas trop leur dire. Et comme il était chargé de voir les défenses du Sud-Est, il a été accusé de préparer le retour du roi, comme il était noble à Lyon. Donc, du coup, c'est Robespierre Jeune qui a dit non, pas du tout. C'est vraiment un homme qui s'occupe des fortifications pour la République. Donc, il est sorti de cela. Sauf que quand Robespierre est tombé, on a dit, dans ce cas-là, il était pro-Robespierre et donc il faut le faire tomber aussi. Donc, on l'a arrêté. Il a été gardé à résidence, puis envoyé au fort pour être guillotiné. Et puis, heureusement, on s'est quand même rendu compte qu'il avait une certaine valeur et on l'a fait sortir. Il n'a pas été guillotiné. Du coup, il est populaire. Enfin, on aime bien Napoléon à Nice. Oui. Il y a son masque mortuaire qui est au musée Masséna, le premier qui a été fait, le premier en cire. Parce qu'après, il y en a eu trois. Mais à chaque fois, bien évidemment, le visage bougeait avec. Donc le premier est au musée Masséna. Rue Bonaparte, voilà, on peut venir prendre un verre. Il y a plein d'établissements qui se sont montés petit à petit ici. Et c'est un lieu, c'est notre petit marais. Ouais, c'est ça. Mais en principe, les Niçois traînent, enfin le soir, sortent boire un verre dans sur ces terrasses. Oui, voilà. On vit beaucoup dehors, hein, vous me disiez. Voilà. Le jour, mais la nuit aussi. Voilà. Alors, la nuit, sauf qu'en général, le Niçois, il n'est pas extrêmement fêtard et tardif. On peut sortir jusque tard, mais pas extrêmement tard. Par rapport à d'autres villes où il y a beaucoup plus d'établissements de nuit, nous, c'est des établissements de grande soirée, on va dire. Là, nous passons devant un restaurant qui a le label de cuisine niçarde, puisque avec Lyon, Nice est la seule ville à avoir un label de cuisine sur son nom. C'est une cuisine proche du régime crétois. Hein. Ce sont beaucoup de légumes, de l'huile d'olive, du basilic et des aromates. Et voilà, c'est un label vivant. Et puis à Nice, on déguste la salade niçoise. Oui, mais on ne la fait pas comme elle est normalisée. Souvent faite ailleurs. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Escoffier l'a normalisée, mais en mettant dedans des choses qui n'y sont pas. Il faut savoir qu'aucun légume n'est cuit dans la salade niçoise. Donc vous ne pouvez pas trouver ni de la pomme de terre, ni du haricot vert, ni du riz. Non, c'est ça, voilà. Il n'y a pas de riz dans. Alors, effectivement, pas de riz, pas de pomme de terre, pas de haricot vert. Pas de pomme de terre, pas de haricot vert, oui. Voilà. Donc s'il y a ça, c'est pas une salade niçoise. Voilà, les légumes sont crus. Forcément, on ne peut pas retrouver cela. Ouais. Alors, on met quoi? On met de la tomate, bien sûr. On met du petit artichaut violet, mais coupé à la mandoline, extrêmement fin. On met de la fèvette. Après, c'est selon les saisons, bien évidemment. En gros, on y mettait à l'origine ce qu'on avait dans le jardin. On met du radis coupé en petites rondelles. On met du poivron coupé en petits dés ou en lamelles très fines. On met de la cébette. C'est comme l'oignon, mais oui, voilà, on met du mesclun. C'est un mot niçois qui veut dire mélange. Aujourd'hui, tout le monde voit mesclun, on pense que c'est variété mélangée de salade. Dans les sachets déjà. Mais en fait, moi, si vous mélangez mes affaires, je veux dire, mais quel mesclun tu m'as fait? C'est vraiment un terme du langage propre niçois. Et puis pour l'assaisonnement, donc de l'huile d'olive? De l'huile d'olive, qui est une huile d'olive de Nice, qui s'appelle l'olive de Nice, qui est une variété de toute petite olive noire, qui s'appelle la caillette, qui a une AOC. Il faut savoir qu'à Nice, il y a l'olive de Nice qui a une AOC sur l'huile, sur la pâte d'olive, ce qui n'est pas la tapenade, c'est-à-dire que de l'olive pure, et sur l'olive de table. Il y a aussi une AOC sur le vin à Nice, car le vin de Nice. Il y a le vin de Belley, qui est l'un des plus anciens vignobles de France, et qui a une AOC depuis 1941, sur ces trois couleurs de vin. Donc c'est un vin bien évidemment produit. C'est une petite production. Oui, parce qu'il y a 11 vignerons. Hein, elle est vraiment circonscrite sur la commune de Nice. Mais c'est un vin bien travaillé, en biodynamique, etc. Mais qui est un vin de qualité. Voilà, donc il n'y a pas de vin de Bordeaux à Bordeaux, mais dans le Bordelais, en revanche, il y a un vin de Nice à Nice. Voilà, c'est ça. Suite et fin de ce premier Suivez le Guide niçois, nous retrouverons Isabelle Biéquéré avec qui nous parcourons le Vieux-Nice. Nice compte une quinzaine de musées variés, dont le musée Chagall, au 36 rue du Docteur Ménard, où nous attend Anne Dopfer, à la tête des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes, comprenant le musée national Marc Chagall, le musée national Fernand Léger à Biote et le musée national Picasso, la guerre et la paix à Valoris. Découverte du musée Chagall, en compagnie aussi de Sarah Ligné. Nous sommes au Musée national Marc Chagall à Nice, sur la colline de Cimier, et je suis Anne Dopfer, directrice des musées nationaux du XXe siècle, c'est-à-dire ce beau musée Chagall à Nice, magnifique musée Fernand Léger à Biote et la superbe chapelle Picasso à Valoris. Non, c'est pas mal, hein. Vous êtes un patrimoine à vous toute seule. Hein. Alors non, je m'efforce de l'incarner, mais on a de belles équipes, de beaux lieux et surtout des collections magnifiques à servir, des artistes importants du XXe siècle qui ont marqué leur temps et qui tous les trois ont souhaité à un moment avoir un lieu sur la Côte d'Azur. Mmh. Et on essaye de faire rayonner cet esprit de ces peintres modernes. Alors avant, il y avait ici, à cet emplacement, un hôtel particulier, enfin une grande villa qui était en ruine. Oui, vous savez que Nice s'est beaucoup développée au XIXe siècle autour du balnéaire et des riches Anglais, Russes qui venaient à Nice pendant l'hiver, à une époque où ils faisaient meilleur que chez eux. Et il y a eu un développement architectural qui est allé avec, dont de grandes et belles villas qui existent encore pour certaines sur la colline de Cimier. Et effectivement, le terrain sur lequel nous sommes est un terrain qui s'appelait le terrain de l'Oliveto puisqu'il y avait une oliveraie. Et il y avait une grande et belle résidence qui était la résidence Raditzwil qui était en ruine au moment où est né ce projet de musée national Marc Chagall. Donc la ville a préempté le terrain pour en faire quelque chose de bien et elle l'a offert en 1968 à l'État qui a reçu la donation des tableaux de Marc Chagall donnés généreusement par l'artiste et l'État, le ministère de la Culture, a construit ce musée. Donc si ce musée est là depuis 1973, c'est le résultat d'une coopération formidable entre la ville de Nice, l'artiste Marc Chagall et l'État français. Et l'État et le ministre de la Culture, et c'était André Malraux au départ de ce projet, quand Marc Chagall émet le souhait de donner ses 17 grands tableaux du message biblique à l'État, c'est effectivement André Malraux qui est ministre de la Culture, qui connaît Chagall depuis longtemps, qui l'a soutenu dans de nombreux projets et qui accueille cette donation avec joie, qui sera inaugurée ici quelques années plus tard. Donc à ce moment-là, Chagall vivait à Vence ? Alors Chagall vivait sur la Côte d'Azur et dans les collines depuis 1948, après son retour d'exil des États-Unis. C'est dans ce paysage méditerranéen qu'il souhaite s'installer. Et il s'installe dans un premier temps à Vence, puis à partir de 1966 à Saint-Paul-de-Vence. Et donc sa villa, la colline. Alors c'est très compliqué parce que la première s'appelait Les Collines. Ah, Les Collines, voilà. Après. Et la seconde s'appelle La Colline. Parce qu'on a perdu des collines au passage, voilà. Visiblement. C'est assez rare, hein. Donc un musée dédié à un seul artiste et en plus cet artiste qui va vivre qui va vraiment participer à l'élaboration du musée, qui va vivre l'inauguration du musée et en pleine concertation avec l'architecte. Oui, alors ce qui est une première, ce musée a été ouvert du vivant de l'artiste puisqu'il a été inauguré le jour du 86e anniversaire de Marc Chagall, le 7 juillet 1973. Alors ça, c'était quand même quelque chose de relativement nouveau et exceptionnel. Il s'agissait à l'époque d'un musée d'art contemporain. Et c'était la première fois qu'on rendait un hommage de son vivant. Il n'y avait pas encore de musée Picasso. Il y avait un musée Fernand Léger, mais qui avait été ouvert après son décès. Donc c'était assez exceptionnel. Et l'esprit de Chagall, qui a tant participé à la conception de ce lieu, règne partout dans ce musée. Que ce soit dans les choix architecturaux, dans l'accrochage qu'il a fait, et que nous n'avons évidemment pas touché depuis l'époque. Donc on a construit le bâtiment pour les œuvres, précise. Voilà, autour des œuvres. Autour des œuvres. Voilà. Il y a un noyau de la collection constitué de 17 tableaux, qui est réellement le cœur battant de ce lieu, puisque les murs ont été dessinés autour de ces tableaux, et qu'on peut voir la spiritualité de Marc Chagall, mais aussi son sens de la joie de vivre, puisqu'il a fait un accrochage en fonction des couleurs et des harmonies de couleurs. Voilà, donc c'est un thème biblique, un cœur biblique autour de l'Ancien Testament d'une part, et puis du Cantique des Cantiques d'autre part, mais il n'avait pas peint ses toiles précisément pour son futur musée. En fait, il y avait au départ une autre destination. Oui, Marc Chagall, comme beaucoup d'artistes de son temps, avait le souhait de décorer une chapelle. Vous savez qu'il y a un renouveau de l'art religieux après la Deuxième Guerre mondiale, autour en particulier du Père Couturier, et que dans la région, il y a des réalisations exceptionnelles, comme la chapelle Matisse à Vence, et que cette chapelle était tellement extraordinaire que ça a provoqué une sorte de jalousie pour tous ces artistes de ce temps. Donc ils voulaient leur chapelle. Qui chacun voulait sa chapelle. Alors Picasso a fait la sienne, Matisse, c'est 1950. Picasso a peint la sienne en 1952. Et c'est dans ces années précisément que Marc Chagall s'attaque à l'idée d'orner une chapelle. Il pense d'abord à Vence, à deux chapelles successivement, et puis il comprend que c'est trop compliqué d'un point de vue du climat, de la conservation, de la sécurité, et c'est là qu'il décide d'offrir ce cycle qu'il considère comme un cycle majeur dans son œuvre à la France, parce que la France l'a accueilli aussi comme émigré à trois reprises, et que Marc Chagall y est très attaché. Quel est son rapport à la religion, à la foi, Alors, Marc Chagall? La religion est quelque chose d'essentiel dans la vie de Chagall. C'est quelqu'un qui est de culture juive. Il a été profondément imprégné dans son enfance à Vitebsk de cette culture familiale, qui était une culture qui se vivait dans la joie et qui finalement fixait un certain nombre de paradigmes auxquels Chagall est extrêmement attaché et le restera toute sa vie. C'était pas quelqu'un qui était pratiquant, très strict ou orthodoxe, mais c'est quelqu'un pour qui la religion était quelque chose de fondamental, mais je dirais à la fois sa culture juive comme un fondement culturel, mais aussi la religion au sens générique comme un fondement spirituel qui guide la vie et qui est un fondement qui vous pousse à l'élévation. Et c'est quelque chose que Chagall recherche tout le temps dans sa vie, dans toutes les religions, et en particulier, il va s'intéresser énormément à la religion chrétienne, en tout cas au livre des chrétiens, qui est la Bible, et dès 1930, il commence à illustrer, à créer des illustrations pour la Bible, un ouvrage extraordinaire qui comprend 105 gravures, qu'il a mis 26 ans à terminer. Et c'est un cycle qu'il reprend dans ses grandes peintures qui sont au musée national Marc Chagall. Et on peut également découvrir des vitraux de Chagall dans ce musée. C'est dans une salle de concert. Et alors, bien sûr, à nous, venant de Moselle, moi, ça me fait penser aux vitraux qu'on peut découvrir à la cathédrale Saint-Étienne à Metz. Et puis, ce grand cloître des Cordeliers à Sarrebourg également. Donc, on est dans ces couleurs-là. Chronologiquement, est-ce que les vitraux de Metz, alors je ne sais pas si les vitraux de Metz de Sarrebourg, c'est avant, c'est après? Est-ce que ça vous embête d'avoir une deuxième interview? Oui. Parce que sur la chronologie. Oui, sur la chronologie. Donc Sarah qui connaît Chagall par cœur. Oui, c'est effectivement à Metz que l'aventure de Chagall avec le vitrail commence, avec toutes ces cathédrales qui ont été en partie détruites par la guerre. Donc il y a autour de l'architecte des monuments historiques de l'époque un mouvement de création de nouveaux vitraux auquel Chagall participe avec l'atelier des marques à Reims. Donc il crée des vitraux pour la cathédrale de Metz, pour celle de Reims, mais c'est réalisé réalisation ne se trouve pas seulement en France, mais aussi en Israël. Il crée des vitraux pour la synagogue d'un hôpital universitaire à Dassa, près de Jérusalem, mais aussi en Suisse, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Donc cette aventure dans le domaine du vitrail s'échelonne entre le début des années 50 et jusqu'à pratiquement la fin de sa vie, les années 80. Un événement dont on fera beaucoup écho, l'inauguration du musée à l'époque. Donc ce musée inauguré en 73. Le jour des 86 ans de Marc Chagall. Le jour c'est un beau cadeau d'anniversaire, un musée. Magnifique. c'est un écho autant dans la presse locale qui parlait déjà beaucoup du chantier du musée qu'une résonance dans la presse nationale et internationale. Et Chagall, jusqu'à sa disparition en 1985, a été très présent lors des nombreux événements organisés au musée, dans les expositions, mais aussi les concerts dans l'auditorium. Il était là pour entendre de grands musiciens comme Rostropovitch qui se sont produits dans ces lieux. Petite salle, enfin superbe petite salle, c'est un bel écrin, mais avoir Rostropovitch, c'est pas rien. Oui, il y a eu un programme merveilleux de concerts que nous continuons encore aujourd'hui avec l'Orchestre Philharmonique de Nice. La plupart des œuvres présentées donc sont les mêmes œuvres présentées depuis le début, depuis son inauguration, depuis son ouverture. Bon, il y a quelques expositions temporaires. Bon, le public et les visiteurs ne sont pas les mêmes, et le public et les visiteurs se renouvellent, même si l'offre est la même depuis 40 ans, avec une fréquentation importante. Nous avons l'an dernier 155 000 visiteurs. Cela classe le musée parmi les musées les plus fréquentés, les institutions les plus fréquentées de la Côte d'Azur. Donc un fort engouement pour ce musée, avec un public qui vient des quatre coins du monde. Nous accueillons énormément de touristes étrangers, mais nous accueillons aussi le public de scolaires. Ça, c'est un aspect qui était très important pour Chagall, ce lien avec la jeunesse, avec les plus jeunes. Donc nous travaillons aussi avec les établissements scolaires pour que cette découverte de l'œuvre de Chagall puisse se faire dès le plus jeune âge. Et son fils, donc David McNeil, vient faire un tour de temps en temps. De temps en temps, oui, tout à fait. Mais il y a aussi la famille Chagall qui est très présente. C'est aussi notamment grâce aux ayants droit que nous pouvons organiser de magnifiques expositions, grâce à leurs prêts, grâce à leur soutien. Le message biblique est vraiment le cœur du musée. Cela dit, il y a eu une petite évolution, c'est-à-dire que le musée a été créé comme musée national du message biblique Marc Chagall, donc vraiment tourné autour de cette donation. Le message s'est élargi. Et exactement, en 2007, cela a évolué, puisque c'est devenu le musée national Marc Chagall. Le message biblique reste le morceau de choix de notre collection, mais nous souhaitons montrer la variété, la diversité, la longévité de la carrière de Chagall, sa curiosité, son côté touche-à-tout, son côté expérimentateur, et cela nous le faisons à travers une collection et surtout à travers des expositions temporaires, donc un rythme moyen de deux par an, parfois trois, mais là ça devient compliqué pour un artiste aussi renommé que Chagall d'organiser trois expos par an. Il y a un appétit extraordinaire de Chagall à l'étranger. Il y a des expositions organisées sans cesse autour de cet artiste. Et c'est vrai qu'il y a des cultures où il fait particulièrement écho, il est particulièrement populaire, comme les Japonais par exemple, les Russes aussi, pour des raisons de naissance de Chagall en Russie. Les Américains aussi apprécient beaucoup Chagall, et donc les gens viennent du monde entier découvrir son œuvre ici. fin de ce premier Suivez le guide à Nice, au musée Chagall et dans le Vieux-Nice. Un grand merci à Isabelle Billet-Quéret, responsable du service presse à l'Office du tourisme de Nice et des congrès. Merci Anne Dopfer et Sarah Ligné au musée national Marc Chagall. Réalisation Roman Feocchio. Les sites internet musées-nationaux-alpes-maritimes.fr et nicetourisme.com. Je marche dans la ville et tout me paraît si tranquille. Les enfants près des jets d'eau, le port et ses bateaux. Je marche dans la ville et tout me paraît si tranquille. Je traîne à Robac à Péo, j'entends le rire de Mado. Jamais je ne pourrais oublier ça. Tu es ma ville et tu fais partie de moi. Jamais je ne pourrais vivre sans ça. Je suis en vie et je fais partie de toi. Je marche dans ma ville et tout me paraît si facile.